ses chemins. Ma vision s'est restreinte. Toujours ses couleurs. Disparition de saveur. Je suis un repentant. La mort tourmée dans mon cœur. Une histoire sans fin. Trouver le sentir du bonheur. Changer des trajectoires. Oublier ses déboires. Et à quoi dans ta tisane? Y'a du sucre de canne. Fermenter et fleurs fanées. Bangle, bangle. Je vois les dames, dames. Ce n'est pas facile de trouver sa route. Quitter la vie civile, aucun doute. M'éclipser en Australie. Être un aborigène. Bientôt je serai parti. Mais qui ça gêne? Seul au bout du monde. L'humeur vagabonde. Il y a quoi dans ta tisane? Il y a du sucre de canne. Et fleurs fanées. Bangle, bangle. Je vois les dames, dames. Un simple baiser vide. Je suis tout fébrile. Pour une vie, une nuit. Enfin j'ai fui. Le lac des roses. Ça va toutes les brosses. Je discute avec un kangourou. Hélas tant pis je n'ai pas pu Kelly. Personne ne me traite de fou.